Valérie Levé, journaliste scientifique et animatrice de l'émission Futur Simple, qui est en pause, là, le temps de traverser cette crise, est avec nous ce matin. Valérie, bonjour. Bonjour Caroline. Alors, toujours un grand plaisir de te parler puisque tu nous expliques dans des mots tellement simples et clairs qu'est-ce que c'est. On a parlé du virus et versus les bactéries. Là, ce matin, on va plutôt s'attarder à la saisonnalité des grippes et des virus. Là, avec ce virus-là, la COVID-19, tout est un peu déjoué, là. La science en apprend au jour le jour, j'imagine. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, on sait que les rhumes, les grippes, en général, ça arrête avec l'été. C'est rare qu'on pogne un vilain rhume en plein mois de juillet. Est-ce qu'on pourrait espérer et est-ce qu'on sait si le coronavirus va prendre des vacances cet été? On aimerait bien, mais je crois qu'il faut pas trop y compter. Non. Alors c'est vrai qu'on on l'a espéré un petit peu parce qu'il y a dans les pays de l'hémisphère sud, en fait au début de la pandémie, il semblait moins atteint, et donc certains ont fait l'hypothèse que les chaudes températures ne convenaient pas vraiment au virus. Mais en fait, c'était juste une question de temps pour que la COVID se répande aussi au sud. En fait, ce qu'on peut dire si on revient rétrospectivement. C'est que les pays du Sud qui étaient moins touchés étaient des pays africains et de l'Amérique du Sud. Donc, évidemment, ça se peut que le virus soit arrivé là plus tard. Mais surtout, tu comprends bien, Caroline, que ces pays-là n'ont peut-être pas des systèmes de santé aussi agiles que le nôtre pour détecter les premiers cas et que les personnes malades n'ont pas aisément accès à un médecin. Ouais. Ça, c'est un premier point. Puis ensuite, quand l'Afrique et l'Amérique du Sud n'étaient pas encore touchées, si on regardait bien l'écart de propagation de la pandémie, en fait, l'Australie, elle était bel et bien touchée avec à peu près la même chronologie que le Canada, malgré des températures assez différentes entre nos deux pays, je crois. Oui, effectivement. Alors là, c'était, un test suprême, mais en tout cas, c'était l'indication que le virus peut résister l'été. Et on l'a vu avec M. Bolsonaro aussi, là, effectivement, on le voit bien que le coronavirus arrive dans l'hémisphère sud. Oui, c'est ça. Maintenant, effectivement, il arrive. D'abord, il est bien présent, bien révélé en Afrique du Sud. Le Brésil est largement touché. Et les autres pays, il y a peut-être apparemment moins de cas pour le moment. Mais bon, on sait qu'ils n'ont pas forcément des tests à la disposition pour dépister et révéler l'ampleur du phénomène. Et d'ailleurs, on parle de l'Afrique comme d'une bombe à retardement. Quand ça va exploser en Afrique, quel contrôle on va avoir de la pandémie? C'est un gros point d'interrogation. Ça, oui, on ne sait pas du tout et on se croise les doigts. On ne peut que faire ça pour le moment. Mais on connaît, est-ce qu'on en connaît d'autres virus? Là, on comprend bien que la COVID-19 peut résister à la chaleur, mais est-ce qu'il y en a d'autres de ces virus-là qui sont actifs l'été? Si on dit qu'on n'a pas de rhume, de grippe l'été, est-ce que le virus de la COVID-19 est un cas à part ou s'il y a d'autres virus que moi je ne connais pas, mais qui existent dans la nature, qui résistent l'été? En fait, c'est assez curieux. J'ai découvert ça, je ne le savais pas. Moi, je pensais aussi que les virus en été, ils prenaient des vacances, là. Ouais. Mais c'est pas vraiment le cas, en fait. Il y a des virus qui ont des saisonnalités très différentes. Alors, le virus de la grippe et du rhume nous arrive en hiver, mais il y a des maladies virales qui arrivent à d'autres saisons. Et là, je me réfère à un article que j'ai lu dans le magazine Science le 13 mars dernier et qui compile quelques recherches sur la saisonnalité des virus. Alors, par exemple, il y a une étude qui établit le calendrier de 68 maladies virales. Ah oui? Et, ouais, donc c'est quand même pas mal. Il y en a beaucoup, finalement, des maladies qui sont transmises par des virus. Ouais. Des fois, c'est des maladies exotiques qui ne me concernent pas trop, mais quand même. Et cette étude dit, par exemple, que, un nom un petit peu qui peut nous paraître un petit peu barbare, le virus respiratoire syncytial, lui, il se propage en hiver, mais la varicelle, elle arrive au printemps. Tiens donc. Et c'est peut-être statistiquement, il y a peut-être des cas qui arrivent quand même plutôt à la fin de l'hiver ou de l'été, je ne sais pas, mais il semble que la varicelle arrive plutôt au printemps. Le tétanos, lui, où le vaccin n'existait pas, c'était plutôt en été. Donc, comme quoi, puis il y a plein d'autres exemples dans cet article, comme quoi il y a des virus qui sont actifs en été, en hiver, en été. Oui, après, comme dans les quelques-unes des maladies que tu as citées, on a des vaccins parfois pour ces maladies-là, oui, ce qui fait que... Oui, exactement. Ouais. Puis ensuite aussi, ce que nous dit l'étude sur le calendrier des maladies virales, c'est qu'un même virus peut être actif à différentes saisons selon les pays. Ah ouais. Alors oui, donc ça c'est très curieux. Donc par exemple, l'hépatite C, elle agit en Inde en hiver, mais en Égypte et au Mexique, c'est au printemps et en été. Tiens donc, ils choisissent leur saison. Les virus choisissent leur température et leur saison. Exactement. Très, très intéressant, étonnant à la fois, mais bon, on verra comment la COVID va se développer. Mais pourquoi ces virus-là seraient actifs plutôt l'été, plutôt l'hiver? C'est un choix qu'ils font. Est-ce que ce serait ce qui déclenche leur activité? Qu'est-ce qu'on sait de l'activité virale et les saisons, par exemple? Ben, je pense qu'ils choisissent pas grand-chose, en fait. Non, je pense pas non plus. Dans leur caboche de virus. La réponse était dans la question. Voilà. Mais donc, y a quelques indices. Par exemple, bon, on imagine bien que pour des virus qui sont transmis par les moustiques, donc par exemple le chikungunya ou le Zika ou le virus du Nil occidental, donc là, il y a une saisonnalité de la maladie qui va être liée à la saisonnalité du moustique. Oui. C'est évident que ici, par exemple, le virus du Nil occidental, il ne va pas nous arriver en plein hiver. Mais pour les autres virus, ben, ce n'est pas clair. Alors, pour le virus de la grippe, qui est un virus hivernal, il y a des hypothèses qui concernent le fait que, en hiver, on vit plus confiné, plus groupé. Donc, s'il y a quelqu'un de malade, ça propage plus facilement le virus. Oui, clairement. Il y a une autre, mais ça reste des hypothèses. Ah oui, c'est peut-être okay. C'est peut-être un ensemble de toutes ces hypothèses qui est la réalité aussi. Donc, il y a une autre hypothèse qui repose sur le taux d'humidité dans l'air. Là, il y a un chercheur de l'université de Harvard qui a en effet observé que le virus de la grippe se transmet mieux en hiver quand le taux d'humidité est plus faible. Ah. Parce qu'en fait, en hiver, peut-être contrairement à ce qu'on peut penser, l'air est plus froid et renferme moins d'humidité. Ah bon? Et le virus de la grippe a une enveloppe lipidique, donc en fait c'est du gras, et l'hypothèse est que cette membrane est sensible aux variations de la quantité d'eau dans l'air. Et donc en l'occurrence, elle serait plus stable elle serait plus stable en hiver et se dégrade par contre en été quand il y a plus d'humidité dans l'air. Ah oui, mais alors vendredi dernier, tu disais justement que le coronavirus, lui aussi, a une membrane de gras, hein, et ouais. Que bon, il fallait se laver les mains avec le savon parce que ça enlevait cette pellicule-là, c'était efficace, donc le savon, simple savon. Alors, est-ce qu'on peut pas imaginer que le coronavirus, et on aimerait bien avoir une réponse positive là, mais on verra. Est-ce qu'on pourrait pas imaginer que le coronavirus serait comme un virus de rhume et pourrait s'éteindre avec l'été parce qu'il y aurait moins d'humidité dans l'air? Ou plus d'humidité dans l'air? Ben, bonne mémoire, Caroline. Oui, le coronavirus donc de la COVID-19 et d'autres coronavirus ont une membrane lipidique. Donc, par exemple, il y a 4 coronavirus qui donnent des symptômes plus banals comme du rhume. Et 3 d'entre eux s'éteignent en été. Donc ça peut nous donner un espoir que le coronavirus de la COVID-19 en fasse autant. Mais on doit aussi regarder les autres coronavirus, ceux qui donnent des syndromes respiratoires aigus, donc comme la COVID. Et je le disais la semaine dernière qu'avant la COVID-19, il y avait eu le SRAS en 2002 et le MERS, qui est aussi une maladie à coronavirus qui frappe le Moyen-Orient. Donc le SRAS est relativement confiné oui, dans oui. Des hôpitaux et il a été éradiqué avec des mesures de confinement. Et le MERS se propage peu entre les humains. Donc, les coronavirus du SRAS et du MERS ne nous donnent pas vraiment d'indices sur le comportement estival de notre coronavirus actuel. Oui. Et on ne peut pas présumer que les conditions atmosphériques et le taux d'humidité dans l'air auront raison de notre coronavirus, malheureusement. Ouais. Bon, ouais. Alors, d'un autre côté, est-ce qu'on pourrait peut-être penser que d'ici cet été, il y aura suffisamment de personnes immunisées, on verra, pour ralentir la progression? On sait qu'une personne immunisée ne peut pas attraper deux fois la maladie. Ah ouais, c'est blocage. Ouais. Ouais, ça fait partie de l'équation. Si le virus arrive chez une personne déjà immunisée, le virus il va pas se répliquer. Donc si une bonne partie de la population est immunisée contre le coronavirus ne pourra pas se propager. Donc ça c'est ce qui se passe avec les coronavirus qui donnent le rhume. Donc non seulement ces coronavirus perdent de leur vigueur en été parce que leur membrane semble se déstabiliser quand le taux d'humidité dans l'air augmente, mais en plus, comme l'humanité côtoie ces coronavirus depuis longtemps, il y a un bassin de la population qui est immunisé. Donc il y a une forme d'immunité collective. Ah oui. Donc, les conditions environnementales, donc le taux d'humidité et l'immunité de la population travaillent ensemble pour enrayer les rhumes en été. Mais ce n'est pas le cas avec le coronavirus de la COVID-19. Ah, c'est la première fois qu'on lui fait face et donc on ne peut pas compter sur notre immunité collective pour penser que le coronavirus de la COVID-19 nous foutra la paix cet été. Ouais, puis on espère qu'on attrapera pas tous la COVID-19 pour avoir l'immunité Ça, c'est que le prix à payer coûte très cher quand même. Oui, hein. C'était la voie de ce qu'avait pensé faire la Grande-Bretagne. Et puis, ils sont revenus sur leur décision parce qu'ils ont vu que le coût humain serait trop élevé. Exactement. Hey, Valérie, j'ai envie de te donner un devoir pour les prochaines chroniques. Oui. Pourquoi COVID-19? Le chiffre 19 veut dire quoi dans COVID? C'est tout simplement le 2019 parce qu'il a été découvert en novembre 2019. Ah, bon. Oh, ben, donc, écoute, COVID, c'est fait. C'est l'acronyme anglais de Coronavirus Disease, donc la maladie à coronavirus. Et 19 parce qu'il a été découvert en 2019. Aussi simple que ça. Voilà. Bon, même pas besoin de faire de devoirs. Tu connais bien ta leçon. Merci beaucoup, Valérie. C'est un grand plaisir. Alors, à une prochaine. À une prochaine.